Allô? Excusez-moi, parlez-vous français? Oui. Ah oui, c'est là, faisons du tourisme, la Suède. Oui. Ah oui. C'est là, Charlemagne, Drin, Bœuf de Bresse. C'est là, gentil, je m'appelle Sorbonne. Pourquoi? Quoi? Pourquoi? Ah oui. Ah, excusez-moi, excusez-moi. C'est là, Gramaillé, c'est la vie de Montmartre. C'est là, Zizibon. C'est là, tout à l'heure, c'est tout. C'est comme si, comme ça. Oh, je comprends rien là. Ah oui, Jacques Chirac, c'est la François Mitterrand. Oui. Ah oui, la Suède, la Suédoise, c'est le tourisme Pablo Fontainebleau. L'égalité, pourquoi c'est la spectaculaire, c'est le tourisme. Je comprends ah, pas. Ah, je comprends, c'est tout, c'est tout. C'est la public, la l'égalité. C'est ça, c'est la spectaculaire, c'est la problématique. On peut vous aider avec quelque chose ou quoi? Ah oui, non. C'est tout. Comme si, comme ça. Mais vous téléphonez d'où? Ah oui, la Suède. Oui. Ah oui. Vous Sorbonne. Oui. Montmartre. Oui. C'est tout. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Ah, oui.